Bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition du podcast Mac Québec. Mon nom est Bernard Ouellette. Je vous présente sans plus tarder mes co-animateurs pour aujourd'hui. Nous avons Alexis Cornelier. Bonjour. Jean-François Roy. Allô. Et Vincent Miller. Allô. Et on aura un autre invité dans le courant de ce podcast. Grosse journée dans le monde Apple, n'est-ce pas, messieurs? Oui. Oui. Oui, grosse journée que les ordinateurs ne fonctionnent plus. Une belle bêta qui est sortie, c'est tout croche. Ah, c'est ça, pas de bon sens. Une bêta de toute beauté. Oui, puis déjà qu'avec Lion, on avait déjà des petits problèmes. J'imagine qu'avec le nouveau, ça n'a pas dû aider. Moi, j'ai pas installé rien encore, là, mais j'ose pas non plus. Tu n'as même pas installé la bêta de Message? Il y a juste ça que j'ai installé. Il paraît que ça va super bien. Puis effectivement, ça va bien. Mais j'ai pas installé le système d'exploitation. Faut voir. Il y a du monde avec qui... C'est peut-être nous autres là, qui sommes incompétents. Nos auditeurs sont souvent plus calés que nous autres, des fois. Moi, tout ce qui est audio sur mon ordinateur ne veut absolument rien savoir quand j'essayais d'aller sur Vocal avec Mountain Lion. J'ai l'impression que c'est relié à Wiretap Anywhere, mais dès qu'il loadait, mon micro, c'était comme considéré comme Wiretap Anywhere. Puis dès que ça apparaissait, là, il y avait un kernel panic, ça disparaissait. Fait que je vais voir, qu'est-ce qui se passe demain. Mais déjà que Wiretap Anywhere ne fonctionne pas très bien avec Lion présentement. Effectivement. J'imagine que ça ne s'améliorera pas au niveau de Mountain Lion. Mais je me suis dit, je vais l'installer pareil parce que si ça brise quelque chose, au moins, on est mieux de le savoir maintenant que de le savoir comme, tu sais, au release. Puis cet été, on a le temps de trouver un moyen et tout. Oui, effectivement. De toute façon, la compagnie va sûrement faire de quoi pour pallier à ces problèmes-là. Sinon, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui auraient des coups d'os ou des coups de douze? En général, cette semaine, ça a été assez tranquille au niveau des annonces. Là. C'est sûr qu'on vient de voir ce nouveau système d'exploitation-là un petit peu par surprise. Il n'y avait personne qui avait vraiment fait de rumeurs là-dessus. Puis on entend plus parler d'un nouveau iPad 3 qui va sortir le 7 mars. Mm-hmm. Donc, j'imagine qu'avec le lancement de Mountain Lion, il va y avoir effectivement une keynote qui s'en vient très, très, très prochainement. Puis ça semble aller vers le 7 mars. On va parler un petit peu plus de Mountain Lion à la fin du show, de toute façon, avec notre invité, justement. Fait que les gens pourront... On va essayer de garder du temps pour que les gens puissent nous poser des questions. Puis sinon, en fait, on gardera aussi du temps dans les amateurs de Mac pour laisser les gens poser des questions aussi. Parenthèse, c'est Bernard. Oui? Est-ce que c'est une rumeur pour le 7 mars ou c'est confirmé? C'est encore en termes de rumeur. OK, c'est bon. Mais comme je disais, plus ça va, plus ça semble être sérieux comme date. Moi, par contre, je peux vous confirmer quelque chose. On va être là cette journée-là. En fait, ceux qui vont pouvoir se joindre à moi, c'est sûr que je vais faire. On va faire un événement spécial pour le lancement du iPad. Et je peux tout de suite vous confirmer que notre ami, l'extraordinaire producer Crapple, va être avec nous. Il m'a abordé cette semaine. Il a dit hey, faites-vous quelque chose pour le 7, je vais être là. Fait qu'il va venir, mettre son grain de sel pour l'événement spécial qu'on va faire à ce moment-là. Souvent, c'est la semaine. Il y en a certains, peut-être, d'entre vous qui ne pourront pas être là. Moi, mon patron, il est bien gentil. Fait qu'il va me donner congé. C'est un bon patron, je pense. Ouais. Moi, je vais essayer En fait, il y a Claire et le gars qui faisaient la facturation l'année passée. Ah, OK. Puis, il y en a engagé un autre. Est-ce que tu seras dans la file d'attente, dans les premiers, pour acheter le iPad ou tu vas passer un tour cette fois-ci? J'ai passé mon tour au iPad 2. J'ai encore un iPad. Non, tu étais là au iPad 2? J'étais là. j'étais là au iPad 2, mais je veux dire, j'ai pas acheté la bebelle. Mais moi, mais tu n'as acheté pour d'autres, mais tu as fait le line-up pareil. C'est ça, mais oui, moi, je m'en vais faire le line-up sans problème. Je trouve ça absolument génial. Je trouve ça vraiment chouette, moi, faire le line-up. Je rencontre plein de gens intéressants. J'ai plein d'amis qui viennent me voir comme tu es vraiment en train de faire une ligne. « Hey, salut, ça fait comme 6 mois qu'on s'est pas vu, ça va bien? » Puis là, j'ai plein de gens qui viennent me voir. Puis je passe à la TV, tu sais, puis je me fais interviewer. La vedette. Voilà. Monsieur passe à LCN le matin, tu sais. Ouais. Rien là. Toi, Jean-François, est-ce que tu fais le line-up d'habitude ou t'attends plutôt quelques semaines ou quelques mois après? J'attends quelques semaines après. OK. Puis Vincent? Moi, je vais essayer d'être au show si c'est 7 mars. Mais cette année, là, j'ai une nouvelle job, donc... j'aimerais amasser de l'argent pour m'acheter l'iPad 3. Là. Je vais être dans la ligne cette journée-là. C'est plate qu'ils n'en vendent pas au bureau, en gros. Hein? Ben, il en vend des iPad 2, mais je pense pas qu'il va en avoir, là, en tout cas. Ah, tu peux t'acheter un Playbook aussi. Ils vendent pas cher, je pense. Bureau, en gros, ça peut être une bonne pratique pour après ça aller travailler dans un Apple Store, à savoir que tu vas avoir un petit peu d'expérience. À San Francisco, peut-être? À San Francisco? Pourquoi San Francisco? Parce qu'il veut s'en aller à San Francisco. Oui, je vais aller à San Francisco. OK. Mais, tu vas aller rester là? Idéalement, un jour, peut-être. Tu vas aller travailler chez Apple ou... Ben non, pas nécessairement, mais San Francisco, Silicon Valley, c'est tout ce qui est milieu de la technologie. J'aimerais ça aller là pour vivre un peu là-dedans, vivre un peu le milieu techno. Puis je suis jamais allé sur la côte ouest, donc c'est sûr que j'aimerais ça aller. J'ai fait une bonne partie de la côte est, là, vraiment, mais la côte ouest, ça manque, puis j'aimerais ça essayer ça, là, ouais. Okay. Monsieur, je voudrais pas vous bousculer, mais on a un gros show aujourd'hui, puis on a des petites choses à discuter, à faire part à nos auditeurs avant de commencer les nouvelles. Dans un premier temps, en fait, la semaine prochaine, jeudi et vendredi prochain, l'équipe de presque l'équipe en entier, en fait, de Mac Québec va être au WAC, au Web à Québec. C'est une convention qu'il y a là-bas, une espèce de grand forum où tous les grands acteurs du web au Québec sont invités pour rencontrer du monde qui sont encore plus big dans le monde. Donc, je pense qu'il y a le monsieur de Google Québec, le PDG le CEO de Google Québec. Et il va y avoir quelqu'un de Facebook aussi qui va avoir là-bas. Puis il y a un paquet de présentations qui vont être super intéressantes. Le gars d'Apple, je pense qu'il s'appelle Paul Adams. Il y a un gars d'Apple qui va être là? Facebook, excuse-moi. Le gars de Facebook qui va être là. Il s'appelle Paul Adams, qui est designer web, là, qui a participé, je crois, à la timeline. Donc, avec des gros noms aussi. Là. Mm. C'est bon. Donc, nous, on va faire le podcast en direct de là-bas. On va avoir des invités. On va avoir un ordinateur aussi qui fonctionne d'ici là, c'est sûr. Donc, on va faire la diffusion là-bas de pas mal d'interviews. On va prendre du matériel pour les prochains podcasts. Ça risque d'être vraiment... en tout cas, je sens déjà l'effervescence sur Twitter. Il y a plein de monde qui en parle. Ça a l'air vraiment trippant. Moi, ça va être ma première fois. Et puis... Moi aussi. Pour les gens qui voudraient venir nous voir là-bas, c'est sûr que c'est une convention de type professionnel, donc c'est pas 10-15 piastres rentrées, mais pour ceux qui voudraient vraiment venir nous voir et aller rencontrer les gens au web à Québec, on a un code promotionnel à vous donner qui vous donnerait 15% de rabais sur le billet. Et le code, c'est LoveWAC 2012. Donc, LOVE WAQ 2012-2012. Donc, voilà. Fait que ça nous ferait très plaisir de vous rencontrer là-bas la semaine prochaine. Nous autres, on part en road trip. On va être pendant 3 jours, en fait, une soirée et 2 jours ensemble pour la première fois, en fait, pendant une longue période de temps. Sauf moi. Oui, voilà. Il faut quelqu'un pour garder le fort. Hein, donc, exactement. C'est sûr, c'est pour ça qu'on te laisse ici. Et puis, dernière petite annonce avant de commencer les nouvelles. On a un concours et actuellement, on a 2 participants. Donc, il y a de la grosse compétition. On a un deuxième participant. Il y a un deuxième participant cette semaine. Voilà. Qu'on a eu un email. Je ne dis pas s'il y en a un qui a plus, qui a plus de réponses que l'autre, mais c'est intéressant. Puis ils en ont pas mal. Ils ont fouillé pas mal. Ils ont fait une bonne recherche. Donc, le concours, qu'est-ce que c'est? C'est pour gagner une carte de 30 $ à la coop informatique de l'UQAM. Au 276 Sainte-Catherine-Est, si je ne me trompe pas. Il est au 280 depuis 10 ans, je la connais par cœur, mais ils ont déménagé. Donc, ils sont juste en face, à côté de l'ancien 281, en fait. Donc, ça doit être... ça doit être 2,83, j'imagine. Donc, pour gagner, c'est simple, vous nous faites parvenir à concours avec un S à macquebec.com une liste la plus exhaustive possible, donc avec le plus de mots possible provenant de Apple avec le I au début. Donc, iMac, iPod, là, je vous en apprends pas, là, c'est sûr. Mais il y a un paquet de choses qui ont été faites au courant des années par Apple et qui ont la mention, le mot avec le « i » au départ, qui, à la base, le « i » a été mis là pour intérim. C'est Steve Jobs qui, quand il est revenu chez Apple en 97, ils ont mis ça, ils ont commencé à jouer avec le i qui est finalement resté, puis sa signification a changé aussi au cours des années. Donc voilà, et il faut absolument que ce soit de Apple. Ça peut être caché dans un URL de Apple, il y en a actuellement. Ça peut être des services de Apple, ça peut être tout ça. Et on aimerait que les gens ne soufflent pas les réponses dans la chatroom, parce que justement, on garde, on essaie d'en dire le moins possible, puis de nous envoyer ça. Et la personne qui va nous en avoir donné le plus va se mériter une carte de 30 $ à la coop informatique de l'UQAM, qui nous l'a offert gracieusement. On les remercie beaucoup. Donc, on va commencer en nouvelles. Ah, ben, t'as un petit peu, on a une autre nouvelle. Oh, c'est vrai! L'application? Ben, oui. Donc c'est ça. On va avoir une nouvelle application MacQuebec. En fait, c'est une mise à jour. Donc, ça va être en ce moment être à 2.0.1. Donc, elle va tomber à 2.1. Vous allez pouvoir, dès la semaine prochaine, écouter nos shows en direct sur l'application. Donc, j'ai tout installé le système. C'est envoyé à Apple. Donc, la première devrait se faire pendant le Web à Québec. Les heures vont changer, mais... vous allez pouvoir l'écouter sur votre iPhone, votre iPad, le show là, en vous promenant. En partout, direct. Là, sans, c'est exactement en direct. Il y a, je pense, 5 secondes de délai là, entre le show et la diffusion. Faut dire que ce que tu veux dire par les heures vont changer, c'est qu'au Web à Québec, évidemment, on peut pas être dans la salle jusqu'à 9-10 heures le soir. Mmh. Donc, les podcasts la semaine prochaine vont être beaucoup plus tôt dans la journée. Ça risque pour vous d'être un petit peu plus compliqué de nous rejoindre. C'est-à-dire de vous joindre à nous vu que c'est pas en soirée, mais l'horaire après ça va rester la même. C'est vraiment pour l'événement spécial du Web à Québec. Mmh. On va faire des annonces aussi sur Twitter quand on va faire des entrevues, des affaires de même. Là. Fait qu'on on va tweeter ça durant la journée. Oui. Puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que les interviews, on va les faire, mais on va pas les diffuser dans cette journée-là. On va les diffuser parmi les prochains podcasts des semaines suivantes après. Là. Voilà. OK. Alors, on va commencer avec les nouvelles. On a dit qu'on finirait avec le nouveau système d'Apple. Oui. On va commencer par la nouvelle que Apple est rendu une machine monstre du côté boursière avec cha-ching. Oui, cha-ching. Machine à imprimer du cash, c'est clair. Ouais, c'est ça. T'sais, ils ont plus. Là, c'est rendu que c'est comme l'argent américain. Apple vaut plus cher que toute l'économie. Américaine le 14 février à la journée Saint-Valentin, Apple a fini sa journée avec une cote de 509 $ à la fin de la journée. C'est du jamais vu. En fait, En fait, le niveau là, de... Tu parlais d'économie américaine. En fait, c'est ce que les Américains, le gouvernement américain a en banque qui peut s'en servir tout de suite. Donc, on parle pas des 12 000 milliards de dollars qu'ils doivent, mais des montants justement de la réserve fédérale américaine qu'ils ont dans les poches, ce qui est mongol, là. C'est tellement malade. D'argent, là. Oui, c'est ça, c'est vraiment fou, là. Puis le lendemain, en plus, le 15, il y a eu un pic sur durant la journée de la cote. Elle a monté à 526 $, mais elle a descendu parce que là, c'était comme trop, là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, là. Mais elle a monté à 526 $. Je checkais ça durant la journée, là, puis je capotais. Je voyais, non, ça n'a pas de bon sens, là. Il y a pas une... Oui, alors baissé à 4,68. Oui. Okay. Oui, ben, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, c'est beau monter, mais c'est sûr que tu vas redescendre. Ben, souvent, c'est comme ça. Quand ils présentent avant de présenter un produit, quand il y a ben des rumeurs, ça l'augmente. Puis tout de suite après avoir présenté un produit, souvent, ça redescend. Souvent, après des keynotes, ça redescendait aussi. Là. Mm-hmm. Mm. Donc, Apple, en fait, qui va très bien. Fait que c'est pas le moment en ce moment d'en acheter des actions. Là. Elles sont très chères. Puis j'ai l'impression qu'elles vont les splitter bientôt. Oui. C'est qui a dit qu'il était à 400 cucs? Mais non, je viens de checker. Là, elle est à 502 okay. et 21. Elle a fini la journée avec 502 et 21. Je pense que ce qu'on donnait, c'est la capitalisation boursière. Ah, OK. C'est-à-dire la totalité okay. de la valeur d'Apple. OK. OK. C'est bon. Mm-hmm. Fait que... Ben, c'est juste deux secondes, c'est quand même malade, là. C'est la bourse d'Apple, c'est un iPad pour une part, là. Calculez ça de même, là. Mais ah, c'est vrai. C'est pas mal ça, hein. C'est un iPad pour une part. Je sais pas combien qu'il y a en nombre. Un iPad ou une action, tu sais. Une action, ouais, c'est ça. Je fais-tu la ligne pour un iPad 3 ou je m'achète une action? je vais voir. Ou deux actions. Pendant ce temps-là, ben, il y a HP qui devait arrêter de faire des ordinateurs, mais ils ont décidé de continuer finalement. Mais là, ils ont sorti un ordinateur tout en un, à peu près dans le style du iMac. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, les gars? C'est moi qui a trouvé ce petit article-là parce que je le trouvais bon en comparaison du iMac qui est présentement sur le marché du côté d'Apple. C'est un 27 pouces que HP ont sorti tout en un qui comprend un Core i3 double cœur à 3.33. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est que HP était supposé d'en faire. Ils en ont fait un. Mais ils vendent plus cher qu'un iMac de chez Apple. C'est 200 $ de plus que le iMac 27 pouces traditionnel chez Apple. Puis il est en plastique, j'imagine? Puis il est en plastique, exactement. Puis c'est vraiment... Même le processeur qui est inclus dedans n'est même pas le même processeur que est encore plus bas que le iMac 27 pouces régulier chez Apple. C'est-tu celui-là ou bien celui de Acer qui a un touchscreen? Parce qu'il y en a une autre compagnie qui en a sorti un. Hein? Ouais, c'est HP, je pense aussi, qui a fait le touchscreen en tout en un, je pense. Ils en font plus. Je pense que c'est Asus. Je pense que c'est Asus qui en a sorti un. OK. Peut-être dans les gens dans le chat, oui. Asus Transformer. Aquarius nous dit dans le chat. Donc, la compétition s'en vient aussi au niveau des iMac. On a eu dans le CES une panoplie de Ultrabooks qui sont quoi? C'est des clones un petit peu des MacBook Air. Donc, on s'enligne vers l'idée des MacBook Air. Donc, on compétitionne un petit peu. Donc, on regarde ce qu'Apple fait. Puis après ça, on se dit, c'est une bonne idée, on va sortir ça. Oui, mais il va en pleuvoir en 2012 là, des ordinateurs portables qui ressemblent au MacBook Air. Là. C'est assez malade. Là. Mm-hmm. Mais peut-être un petit peu moins cher, par exemple. Un petit peu. Il essaie d'avoir une barre entre 599 et 699 $ là, pour les Ultrabooks. Mais ce sont des machines qui, selon moi, vont être moins bien construite. Là, le MacBook Air est quand même en aluminium. C'est vraiment une machine très, très, très solide. Puis la plupart des gens qui en ont acheté sont vraiment satisfaits du produit. Là, donc, ça risque d'être difficile. C'est sûr qu'ils vont rattraper, mais Apple va sortir quelque chose de nouveau. Mais il n'y avait pas de petite panique cette semaine là, que je voyais dans toutes sortes de sites web là, que le MacBook Pro disparaîtrait, puis ce serait juste des MacBook Air. Ça peut être une éventualité. On avait déjà soulevé en fait cette éventualité-là avec le port Thunderbolt qui permettrait en fait d'avoir des périphériques d'accélération de l'ordinateur à l'externe. Mm-hmm. Donc, pouvoir avoir une carte graphique branchée sur l'ordinateur si on en a besoin. Fait que t'achètes, en fait, ça fonctionnerait comme Firefox. T'achèterais ton ordinateur de base, assez puissant, puis tu y rajouterais ce que tu as de besoin pour qu'il travaille comme faut. Oui, mais la panique, okay, c'était dans du fait que le MacBook Air, il est moins... Tu peux pas changer son disque dur. Tu peux pas, la mémoire est comme soudée sur le board, ou peut-être la première version. Donc, c'était peut-être plus ça. On pouvait moins, après ça, dans le MacBook Air... Dernièrement, Apple nous montre bien que ils veulent plus être un marché de niche. Ils font des produits grand public. Ils font des produits que les gens achètent à coût de 38 millions. Puis, disons que les produits qui sont moins achetés, tu sais, un Mac Pro, on n'entend pas souvent parler. Pourtant, la dernière version date de 2009. Mm-hmm. Puis le MacBook Pro, moi, je veux pas qu'il disparaisse parce que c'est vraiment ma machine de prédilection. Là. Puis s'ils font ça, là, ils donnent un gros coup dans le monde professionnel. Tu sais, c'est bien beau là, avoir des tablettes puis des MacBook Air pour consulter des vidéos YouTube, mais ça prend du monde pour les faire, les vidéos YouTube. Fait que... Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Ah, c'est ça. Ça prend quand même des bonnes machines pour les faire rouler. Là. C'est... Puis pour montrer en fait que Apple est rendu grand public, bien iCloud a passé la barre des 100 millions d'utilisateurs cette semaine. C'est énorme. Ouais. Ben, c'est effectivement beaucoup. C'est un cinquième de Facebook, d'après ce que je comprends, pour un service qui est gratuit, qui est tout neuf. Et ce que ça veut dire, en fait, c'est que les utilisateurs, c'est pas juste les utilisateurs early adopters ou en français, c'est quoi early adopters, le terme? Les adopteurs précoces. Voilà. Attends, les précoces. Ah, ouais. Les précoces. Disons. Ah non, c'est ça le terme en plus. C'est ça l'affaire. Donc, ça prouve en fait qu'Apple a réussi avec iCloud. Puis là, l'intégration va être encore plus poussée dans les futures versions et de iOS et de OS X. Mais il y a Google qui s'en vient avec sa solution compétitionnée, Dropbox et iCloud. Donc, c'est Google Drive. Je suis tombé sur une page cette semaine, là, il listait une vingtaine de services dans les nuages. Là, donc, où est-ce que tu pouvais avoir des 2 gigs, 5 gigs, 50 gigs, du illimité, mais je ne sais pas, il fallait que tu fasses vendre ton âme, je ne me souviens plus quoi. Là, mais moi, j'étais à 9.9 avec Dropbox, c'est un service que j'aime beaucoup, puis je suis content. Mais ça tu l'as augmenté... Tu l'as augmenté grâce aux photos upload, là, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a eu une promotion pour pousser la dernière version bêta de Dropbox. C'est-à-dire que ce que ça faisait, c'est que pour chaque tranche de 500 MB que tu uploadais, il t'augmentait ton espace Dropbox de 500 MB. Puis tu l'uploadais comment? Ben, en branchant ton iPhone. Donc, quand tu branchais ton iPhone et que tu avais la dernière version de Dropbox installée, une fenêtre qui apparaissait, ça te demandait si tu voulais utiliser Dropbox pour uploader tes vidéos. Puis moi, j'en avais beaucoup à cause de l'application de Patrick Groux. Mon fils, à chaque fois qu'il regarde un film, il s'en va dans l'application de Patrick Groux. Fait qu'il s'enregistre tout le temps comme un 10-15 minutes en train de regarder des Tracteur Tom sur YouTube. Fait que ma bibliothèque était très grosse. Fait que ça n'a pas pris de temps que je l'ai rempli. Est-ce que tu as une limite au niveau... parce que le compte gratuit, il y avait une limite... Je pense que c'était 8 gigs à l'époque. Est-ce que c'est toujours le cas? Ben, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé à peu près toutes les promotions, toutes les. Il me reste encore un petit peu d'espace là, pour des invitations, là, parce que c'est comme ça que ça fonctionne chez Dropbox. Tu peux. Il y a un code qui est généré par le site, tu le donnes à tes amis qui s'inscrivent à Dropbox, mm-hmm, et chacun des amis te donne 250 MB pour te remercier de d'avoir propagé la bonne nouvelle. Oui, mais ça, tu peux le faire juste jusqu'à une certaine limite d'espace. Bon, c'est ça. À un moment donné, il y a cette limite-là, mais l'année passée, ils ont eu une promotion. Si tu pluguais ton compte Twitter, ton compte Facebook sur ton Dropbox, je ne sais pas trop pour quelle raison, là, à ce moment-là, tu sais, ça tweet tout ce que tu mets dans tes trucs. Là. Fait que t'as ton dossier de porn, puis à chaque fois que tu mets une photo, ça tweet ça, tu sais. Quelque chose pour ça tweet la photo aussi, ouais. Ça tweet la photo aussi. Fait que moi, j'avais pas peur, puis je l'ai plugué dessus. Puis il donnait aussi des, je pense que c'était des 250 ou des 500 MB. Puis si on est étudiant ou si on a la chance d'avoir accès à une adresse d'un établissement scolaire qui serait, comme tu l'expliquais là, aux amateurs de Mac la semaine passée, mm-hmm. Quand on a une adresse, on peut la mettre dans son compte Dropbox et ils vont doubler le. Sur leur site, ils disent une adresse .edu, mais nos adresses fonctionnent quand même si c'est des, par exemple, ucam.ca ou umontréal.ca, ça va fonctionner quand même. Donc, on a le double de ce qu'on a normalement de base. Là. Okay. Il faut les contacter, par contre. On va accélérer un petit peu parce qu'il nous reste quand même 4 nouvelles, puis on aimerait ça pouvoir parler avec notre invité avant de terminer le show, qu'on termine à 10 heures pour s'en aller du côté des amateurs de Mac. OK. La prochaine nouvelle, c'est que Apple prévient, ils ont prévenu cette semaine les fournisseurs téléphoniques, TELUS, Rogers, Bell, de tout ce monde, que il y a des faux iPhones qui se promènent, parce qu'il y en a tout le temps eu des faux iPhones, mais là, ça a l'air que ceux qui sont faits sont vraiment bien faits. Fait que le monde, ce qu'ils faisaient, ils retournaient leur iPhone pour se le faire créditer, mais c'était un faux, ce n'était pas un vrai. La seule manière de percevoir que comment c'était un vrai du faux, quand vous fermez votre téléphone, ben là je vais le montrer pour ceux qui sont qui nous voient en vidéo. Quand vous fermez votre téléphone, l'écran vient noir complètement. Le faux iPhone, quand l'écran est fermé, devient comme brun foncé. Ça, c'était pas, je sais pas c'est quelle couleur là, je dis ça de même là, brun foncé. Fait qu'on voyait, on voit la différence d'écran quand un iPhone vrai véridique et un faux iPhone était un clone, disons-le. Fait qu'il y a eu beaucoup de remboursements chez les fournisseurs canadiens. Ben, ils doivent en avoir aux États-Unis, mais je ne l'ai pas trouvé, là, mais j'ai trouvé ça pour le Canada. Puis j'ai trouvé ça assez drôle. C'est bon, ils ne checkent pas leur affaire. T'sais, même si le téléphone ne fonctionne pas, là, je suis sûr qu'il y a moyen de trouver que si c'est un faux ou du vrai, t'sais, le téléphone. Mais t'sais, c'est tellement bien fait que en Chine, puis c'est des malades là, à cette heure. Là, c'est. Normalement, ils sont pas supposés de revenir avec une facture pour le remboursement? Ben, pas chez ton fournisseur. Tu sais, ton fournisseur, il a ta date d'achat, là. Tu sais, si mettons, t'as un problème, tu vas chez Rogers, là, t'as un problème avec ton téléphone, puis il faut que tu le changes. Eux autres, ils savent quand est-ce que tu l'as acheté, là. Ouais, mais mais tu sais, après ça, ils peuvent revenir à personne, ils voient, OK, c'est un faux, ils essayent de nous piéger, là. Fait qu'on désactive ta SIM, puis on charge comme un autre téléphone, puis tu sais, en tout cas. Je comprends qu'Apple a dû les avertir là, que ça se pouvait, mais moi, j'imagine que c'est plutôt difficile de faire une gamique comme ça. Là, t'sais, faut, en tout cas, ça risque d'être compliqué. Mm. On va aller tout de suite à la dernière nouvelle, en fait, qui est à propos de iBook Store, qui offre de nouvelles fonctions cette semaine pour les éditeurs. Donc, Apple, en fait, qui avait omis peut-être ou en fait, qui n'avait pas encore sorti ces nouvelles fonctionnalités-là. Donc, maintenant, les éditeurs on peuvent utiliser les codes promo. Donc, à chaque bouquin qui est mis sur le iBook Store, il y a une cinquantaine de codes promo qui peuvent être... proposés, qui peuvent être générés pour être donnés. Comme les applications, finalement. Oui, voilà. Mmh. Et il y a un aperçu du livre, c'est-à-dire qu'avant, on avait vraiment ce qui était écrit derrière la jaquette. Là, il y a vraiment possibilité là, de voir les photos qui sont en plus haute définition, puis vraiment écrire une description pour le livre. Il y a les concepts de série qui ont été mis en place et les précommandes aussi. Donc, on peut faire la promotion d'un livre un petit peu avant qu'il sorte. Ça, c'est intéressant. Voilà. On avait un sujet de la semaine, mais à cause de la sortie rapide, de la sortie inespérée, de l'annonce inespérée de Mountain Lion, on va le garder pour une autre fois. Ça risque d'être encore d'actualité la semaine prochaine. Et on va accueillir notre invité qui est nul autre que Dean Lubacki, qui est rédacteur pour Mac Québec. Bonjour Dean, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Excellent. Donc, on t'a invité pour venir nous parler, en fait, venir discuter avec nous de Mountain Lion qui a été annoncé aujourd'hui avec un paquet de nouvelles fonctionnalités. Parmi les gars dans la chatroom, est-ce qu'il y a des... Pas dans la chatroom, mais est-ce que vous l'avez installé, vous autres, les gars? Pas moi, j'ai pas eu le temps. Non. Ah, OK. Pas moi, je l'ai pas installé. Je sais que Jeff, tu voulais l'installer. Ouais, Dean, ouais. Tu l'as installé, toi? Oui, il y a aussi Patrick Ducharme qui l'a installé, qui a fait l'article sur Mountain Lion avec moi. Oui, c'est ça. Vous avez sorti à peu près une heure et demie de ça, un article sur les nouvelles fonctionnalités avec des beaux screenshots de belle qualité. Complet. Oui, qui est très complet. Par rapport aux nouveautés que Apple a annoncées, parce qu'ils en annonçaient une centaine, puis là, quand on regarde, en fait, là, il y en a un petit peu moins. Est-ce que tu as envie de nous les énumérer, Dean? Oui, ben il y a iMessage, ben en fait l'application Message qui remplace iChat, qui permet de chatter avec les mêmes clients qu'iChat le faisait. Mais en plus de ça, il y a iMessage. Mm-hmm. Exactement, c'est fait un peu exactement de la même façon que sur l'iPad. C'est possible de continuer les conversations qui ont été commencées à partir d'un iPad ou d'iPhone sur l'application iMessage. Il y a aussi Notes, qui est dans le fond une application à part pour les notes qui synchronise avec iCloud. OK. Je voulais faire une parenthèse sur Message. J'ai eu une question aujourd'hui, puis j'ai vraiment pas la réponse, fait que je vous la lance. Mettons que, on sait que Message, c'est un système qui fait que parallèlement au SMS, les gens qui sont sur iOS s'envoient des messages, OK? Oui. Maintenant, tu peux mettre à off sur ton téléphone ce service-là, puis quand tu le mets à off, ben les gens de iOS t'envoient des messages qui te parviennent par SMS plutôt que de passer sur le service. Bon, partant de ce principe-là, mettons que pour une raison ou une autre, ton téléphone iPhone se fait détruire, OK? Parce que, je sais pas, tu l'as échappé dans la rue puis tu te fais rouler dessus. Donc, tu n'as plus l'appareil pour mettre à off iMessage. OK? Donc, puis là, ben, tu n'as pas les moyens de te payer un nouveau iPhone. Fait que tu te payes un téléphone Android à la place. Fait que ça veut dire que tous ceux qui vont essayer d'écrire à ton numéro de téléphone qui est activé avec iMessage vont se retrouver dans les néants parce que ton Android ne recevra pas tes iMessage. Ben, je sais qu'il y a une section Support Profile d'Apple. C'est une section du site web d'Apple un petit peu cachée. Puis c'est possible de... Parce qu'automatiquement, dès que le premier branchement de l'iPhone est fait, ça s'enregistre automatiquement dans cette section-là. Je ne sais pas si le fait d'aller dans cette section-là puis d'enlever l'appareil, si ça peut désactiver iMessage. Mais je sais qu'après un certain temps, si le message n'est pas distribué, il part automatiquement à SMS. Ah, c'est vrai. OK. Cool. Bon. Puis aussi, si là tu parlais, s'il change à Android parce qu'il est brisé, puis tu enlèves la carte SIM puis tu mets ça là-dedans, normalement, il y a toujours une vérification qui est faite. Tu sais, l'espèce de couleur verte ou bleu pâle là, pour les icônes. Normalement, il y a toujours une vérification qui est faite avant pour envoyer un message. Puis si jamais la vérification est faite, puis tu vois que c'est un Android maintenant, bien évidemment, il va t'envoyer un SMS puis pas un message, j'imagine. Non, en fait, tout ce qu'il vérifie, en fait, lui, tout ce qu'il va voir, c'est dans la base d'appel si ton téléphone a été enregistré en tant que tel avec iMessage. Ça vérifie pas si ton téléphone est connecté en temps réel sur iMessage. Dans ce temps-là, si après 2 minutes, tu vois que le message n'est pas délivré, c'est probablement que l'appareil est fermé ou qu'il n'y a plus de carte SIM dedans dans un appareil iOS. OK. Je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus. On va continuer sur les features de Snow, de Mountain Lion. OK. Bien, je voulais juste dire, moi, que le iChat est disparu quand tu installes le message. C'est message qui prend la place de iChat. Donc, iChat est rendu intégré à l'intérieur de message. Donc, il ne faudrait pas se surprendre là, de plus trouver son iChat. C'est ça qui arrive, dans le fond. Faut faire attention parce qu'on dit intégré, mais c'est quand même deux fenêtres. Donc, tu as tes contacts à la iChat comme tu les avais avant. Puis, à côté, tu as une autre fenêtre qui est vraiment une interface iMessage pour envoyer des messages, mais ça permet quand même... Non, il y a une icône de caméra. Il y a une icône de caméra. C'est ça. Oui. Puis FaceTime aussi est intégré, est intégré là-dedans. Donc, on a... c'est ça que je disais au début de la journée. Il y a quelqu'un qui me disait, il y a message là-dedans. Puis là, j'étais là, ouais, mais là, on a message FaceTime. Puis là, la personne m'a dit, non, c'est tout intégré maintenant. Donc, ça, je trouve ça intéressant parce qu'on va à un seul endroit. Ça va faire que les gens vont pouvoir... on pourra utiliser iChat un peu plus, qui, by the way, permet d'avoir ses contacts Facebook puis son Google Talk. Hein? Donc, c'est possible de configurer tout ça dans iChat. Exactement. Puis en passant, c'est pas le mot intégré, c'est unifié. Excusez. Ah oui, t'as raison. Oui. Parfait. Tu peux continuer, Dean. Ben, ensuite, après Notes, il y a Rappel. Qui est exactement de la même, c'est fait exactement de la même façon que sur iPad puis sur iPhone. Les nouveautés, ils proviennent vraiment de iOS. En fait, Rappel puis Notes, ils étaient déjà disponibles sous Lion, mais Rappel dans iCal, qui s'appelle désormais Calendrier sous Mountain Lion, puis Notes dans Mail. Puis après ça, il y a la recopie vidéo avec AirPlay. Ça, j'ai pas pu la tester. J'ai plus mon Apple TV. Mais tu pourras pas la tester parce que ça va être dans un nouveau firmware qui est dans une nouvelle version du Apple TV qui va s'en venir bientôt, mais c'est pas encore possible là, de le faire. OK. Bon. Ensuite, il y a le Game Center qui est un petit qui est fait. C'est exactement la même chose qu'est le Game Center sur les devices iOS, sauf que. C'est comme si, quand tu utilises pour la première fois le Game Center sur Mountain Lion, t'es obligé de te repartir un nouveau compte. C'est les deux comptes, les comptes iOS Game Center puis macOS, ils ont aucun rapport entre les deux. OK. Puis il y a pas encore... Fait que t'as plus ta liste d'amis? Non plus. Il faut recréer. Moi aussi, c'est ça que j'ai fait. Par contre... c'est possible d'utiliser le même nom d'utilisateur qui était utilisé sous iOS. Ah, OK. Parce que, en fait, ce que Apple veut faire avec ça, c'est ce qu'on retrouve un peu sur PlayStation ou Xbox, mais beaucoup mieux fait. Je veux pas dénigrer les plateformes de jeu parce que c'est vraiment leur truc à eux. Mais ce qu'ils veulent faire, c'est que les gens vont pouvoir embarquer dans des jeux ensemble et moi, je vais pouvoir jouer à partir de mon Mac contre toi, Dean, à Angry Words ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment de faire que la plateforme mobile puisse interagir quand même, là, que tu sois pas rejeté parce que t'as pas l'ordinateur pour jouer ou quoi que ce soit. Puis on sait que le Mac App Store contient beaucoup, beaucoup de jeux qui se retrouvent sur les deux plateformes. Je pense à Dungeon Hunters. Flight Control maintenant. Oui, exactement. Donc, mais dans le chat, on parle, c'est Oups 7777 qui dit c'est parce que pour la bêta, c'est en sandbox. Donc, ils n'ont pas encore mis ça en production pour le temps du bêta. Ah, puis c'est pour ça qu'ils demanderaient un autre compte, parce qu'ils ne veulent pas le relier à... Ils ne veulent pas encore le relier le temps que tout n'est pas finalisé. C'est ça le message en haut quand tu t'inscris qui est marqué Sandbox en haut. Je me demandais... Voilà. Sandbox, ça veut dire que tu es dans un autre environnement comme en test. Donc, ça réplique un peu le même état que ça devrait fonctionner, le même état de fonctionnement, mais en réalité, tu es dans un autre serveur, comme si tu étais dans un serveur test. En circuit fermé, dans le fond. En circuit fermé, oui. Voilà. On nous demande d'ailleurs un des trucs, là, une petite parenthèse, on nous a demandé s'il y avait la version serveur. J'ai été agréablement surpris de voir qu'effectivement, il y avait une version serveur que je n'ai pas téléchargée, mais que je vais essayer. Je veux voir si Apple, ce serait pas... T'sais, ils ont beaucoup, beaucoup développé 10.7. Puis la version 10.7 serveur est un petit peu décevante. C'est vraiment troublant. Ils ont changé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de services qui est parti. Je me demande si avec 10.8, ils vont ramener plus de trucs à l'intérieur de ça. Là, puis s'ils vont démontrer en fait de vouloir continuer à faire des serveurs. Sur ça, messieurs, on a déjà dépassé le 10 heures. Je crois qu'on a fait un peu le tour. De toute façon, on va sûrement avoir d'autres développements, d'autres trucs qui vont nous apparaître lors de nos essais, de toutes sortes de trucs qu'on va faire, là, qu'on va essayer. Donc, voilà. C'est à suivre, ce dossier-là. On va déconnecter pour quelques minutes pour passer aux amateurs de Mac. Bonsoir. On va faire un dernier tour de table pour savoir où on peut vous rejoindre, messieurs. Bien, moi, on peut me rejoindre sur Twitter, @cybernard, également sur Google+, et d'autres, mais pas encore Pinterest. Ah non! Pas encore. Il y a une étude qui est sortie cette semaine en passant, en parlant de ça, que ça serait plus les femmes qui seraient intéressées à Pinterest. Et là, j'inclus Mme Kim Auclair qui nous tweet des belles photos d'images de condos. Fait que c'est ça, c'est une étude que ça serait plus les femmes qui seraient intéressées avec ce service-là. J'ai trouvé ça drôle. Là. OK, mais moi, j'ai déjà Instagram. Pourquoi que je... Encore une autre application à peu près pareille. C'est comme là, un moment donné, il en pleut. Là, c'est comme beau. Là. C'est ça. Vincent, moi, GF, oui. Moi, on peut me rejoindre sur Twitter à GFroy1979, le même nom aussi sur Google+, et maintenant Facebook. Je me suis réinscrit à Facebook cette semaine. Je n'en croyais pas mes yeux. J'étais perdu quelque chose de rare. Ah oui, le nouveau timeline et tout. Oh my God! Ça fait comme genre 3 ans à peu près que j'avais fermé mon compte. Quand je l'ai réouvert, là, genre, mon Dieu Seigneur. Il y a des gens, by the way, hier, c'était la dernière journée où Twitter, en anglais, c'est rolling, là, il déroulait, si tu veux, les nouvelles interfaces. Hier, c'était la dernière journée. J'ai une cliente un matin qui fait comme... elle m'écrit et elle fait... c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils ont changé? Mon Twitter a changé pendant la nuit. Effectivement, c'est assez déroutant. Là, moi, j'étais là, ils ont changé de quoi? Là, j'étais là, non, j'ai ça depuis 6 mois. Moi, de quoi tu parles? C'est ça, parce que nous autres, on avait déjà changé à une nouvelle version. Là. Voilà. Il y a aussi une petite chose rapidement pour Twitter, tu parlais. J'ai reçu des courriels par rapport à l'application. Moi, j'ai mis juste une version mobile du site web de Twitter. Puis des fois, ça apparaissait des problèmes de request pour les tweets. Puis en fait, c'est pas les applications en tant que telles, c'est vraiment la version mobile qui a certains problèmes. Des fois, je suis allé sur un iPad consulter version mobile, sur un iPhone, sorti de l'application, ça fait la même chose. Donc, il y a eu certains problèmes là, de ce côté-là à propos des requests. Fait que écrivez-moi pas pour dire que l'application fonctionne mal. Je peux pas faire grand-chose à part dire à Twitter de changer ça. Excellent. Parlant de problèmes de développement, où est-ce qu'on peut te retrouver, Vincent? Oui, pour ceux qui veulent développer une application, sur Twitter, à devvmiller.ca ou sur mon site web vmiller.ca si vous avez une application à développer, donc, ou un site web. J'ai fait quelques sites web à date, donc Monsieur Alexis Cornelier va en profiter bientôt. Là. Ouais, si je fais le texte. C'est ça. c'est rien que ça qu'il faut que je fasse. C'est tellement niaiseux, là. Dean, t'es encore là? Oui, je suis encore là. Ah. Excellent. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Dean? Pinterest, Facebook, Google+, Twitter, pratiquement partout. OK. Et on écrit ton nom comment? DEANLUBAKI. Dean Lubaki. N'oubliez pas ce nom, mesdames et messieurs. C'est un des rédacteurs les plus prolifiques sur le site de Mac Québec. Je vous conseille d'aller sur Mac Québec et de lire ces très bons articles, dont celui qui a été fait sur Mountain Lion et qui est tout chaud, qui vient juste de sortir. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Twitter ou Alex Cornelier, quoique j'y suis moins cette semaine. Je suis quand même passablement occupé, donc mon clout est en train de descendre comme... Clout. voilà. Et sur Facebook, vous pouvez me retrouver là. Mais je vous ajouterai pas si je vous connais pas. Et parce que si je vous ajoute, vous allez vous retrouver dans mon carnet d'adresses. Puis je suis aussi sur Pat. Donc, Pat va se retrouver avec votre nom dans leur serveur. Donc, voilà, je rajoute pas trop de monde à Facebook pour pas que Pat ait tout le monde. Mm. Donc, à la semaine prochaine, messieurs, on va essayer de retourner en 10.7 en attendant. Et on se voit, Vincent et Jean-François, on se voit au WAC. Yes. À Québec. Ça va être écœurant. Ouais. Sur l'application aussi, en direct. Oui, voilà. Alors, merci beaucoup à tout le monde qui a été sur le chat ce soir avec nous. Et on espère qu'ils seront de retour à la prochaine édition du podcast. Après la pause, on fait une courte pause pour nous et on va se retrouver pour les amateurs de Mac. Bonsoir. Donc, les gens qui sont avec nous, restez avec nous. On va faire une courte pause. On se retrouve dans l'autre canal sur Vocal pour les amateurs de Mac. Bonsoir. Et on va sûrement parler du nouveau macOS aussi. Ouais. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.